Oui, je dors dans une tente et je vole dans les magasins, car je n'ai pas le choix. Oui, je dors dans une tente et je vole dans les magasins, car je n'ai pas le choix. Oui, j'ai tout essayé, le travail et puis le talent, mais c'est le RSA. Je dors dans une tente et je vole dans les magasins, car je n'ai pas le choix. Oui, je dors dans une tente et je vole dans les magasins, car je n'ai pas le choix. Oui, j'ai tout essayé, le travail et puis le talent, mais c'est le RSA.